Est-ce qu'on peut clôturer cette première partie qui, comme d'habitude, nous a pris pas mal de temps, mais bon, c'est toujours comme ça, la première partie. Et puis entamer sur les concepts. Laurie, avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire c'était quoi ton nouveau concept de rechange? On va voir dans quel ordre on va le faire passer. C'est sur les jeux en ludo, en ludothèque, et le matériel et des jeux tout type, mais jeux de plateau aussi, qui n'est pas forcément pensé pour les ludos. D'accord. Alors attends, j'essaie de voir dans quel ordre. Mais ça va Ouais, un bah petit je peu pense qu'on mieux. va commencer par toi. Après, on fera Alice qui veut nous parler de l'apprentissage, parce que ça ira bien avec ma partie qui est le do it yourself. Ok. Bon, ça reste quand même très en lien avec ce que tu viens de dire. Ouais, enfin tout Avec est. effectivement le besoin de rajouter du matériel. Alors, je ne suis pas d'accord sur le mot besoin, mais sur le fait que dans les jeux, on rajoute du matériel pour gonfler un peu le prix et justifier le prix avec ses accessoires supplémentaires. Moi, mon idée au départ, c'était, je suis pas trop sur la frontière jeu de rôle, jeu de plateau, et qu'effectivement, il faut pas hésiter à, s'il est utilisé à bon escient, hein, bien sûr, pas juste si c'est du goodies, mais casser un peu les barrières, les frontières, et aller vers le jeu de plateau. Pas hésiter à aller vers le jeu de plateau, en tout cas pour certains jeux. Et en ludo, en fait, je commence à mettre un peu les pieds, et j'espère que Peggy écoute et qu'elle mettra un commentaire, j'aimerais bien savoir comment elle le fait. On passe énormément de temps à plastifier le matériel, les cartes. Donc ça, on le fait de manière artisanale. Ça prend du temps, mais ça. Et je suis sûr que si il y avait des versions collector où le matériel était déjà plastifié, voire même, je sais pas si vous connaissez dans les cartes à jouer, il y a des cartes plastiques qui sont très souples et beaucoup moins usables que les cartes carton. Et on utilise des encres spéciales pour imprimer directement sur ce plastique-là, plutôt que d'avoir une feuilles carton qu'on plastifie après par-dessus. Et s'il y avait des versions comme ça qui existaient, je suis certain que toutes les ludos achèteraient ces versions-là. Parce que ça augmente la durée de vie du jeu et ça, c'est un gain de temps monstrueux pour eux d'avoir des versions déjà plastifiées et durables. Si ça colle encore avec ton sujet. Si, si, mais du coup, est-ce que tu veux en venir? Bah, de penser aussi que je trouve dommage qu'un éditeur fasse moins de boulot que le mec qui bosse en ludo et qui lui va être obligé de refaire un travail artisanal sur un truc qu'il a acheté. C'est ça qui me gêne. C'est que pour moi, le côté éditeur est censé offrir la prestation la plus finie, j'ai envie de dire. Et Donc là, en quelque fait, part, toi, tu voudrais que les éditeurs soient plus artisans. comment dire? Moins industriels, plus artisans, qui proposent des choses plus durables. Ouais, enfin, si quand j'ai quand je ouais j'ai essayé de commencer par le début. Quand j'ai commencé à faire mon proto de sacrifice, au début, j'avais un regard en me disant c'est pas beau. Et je sais pas si tu as eu ce type de réflexion sur de tes exemplaires d'Influenza ou en Non, mais c'est disant tous les jours. D'accord. Ou ouais, c'est mal relié, c'est pas. quand on achète un bouquin de jeu de rôle, si tu regardes des critiques de jeu de rôle, il y a un paquet de personnes qui critiquent l'objet en disant ouais, bah là on a des belles pages. Qui commencent par ça, hein, généralement, quand tu vois sur Casus Snow, les critiques, ça commence par l'aspect matériel. Voilà, on a une Vidéo belle. sur Rollist TV, ça commence par un feuilletage, Voilà. par un aperçu de la qualité matérielle de l'objet, quoi. On a un truc vernis, les photos sont en couleur, elles sont belles, le truc est bien cartonné, c'est solide, Les pages l'impression, tiennent, elles se barrent les pages pas. tiennent. Alors, ceci dit, les pages tiennent, c'est pas juste de l'esthétique, c'est quand même vachement important. Mais l'esthétique et l'utilitaire, c'est souvent un petit peu imbriqué, quoi. Ouais, quand tu vois. Enfin, et je me suis dit, merde, ce que je viens de faire, c'est pas très beau. Mais bon, c'était mon proto. Donc au début, c'était juste un proto. Et puis, même moi, esthétiquement, je me disais, c'est pas très beau. Et puis, au fur et à mesure que je l'utilisais, j'allais de plus en plus sur l'aspect pratique de l'objet. Et l'esthétique, je me disais, mais en fait, c'est un truc qu'on m'a un peu inculqué en me disant, c'est ça qui est beau. C'est clair que quand j'ai un beau bouquin de jeu de rôle où les pages elles tiennent, où c'est bien cartonné, les illustrations sont belles, ça claque un peu. Mais quand j'ai commencé à voir comment était fixé le prix d'un bouquin, et que je me rendais compte que c'est ce qui coûtait le plus cher, c'était pas tellement le travail des auteurs qui étaient rémunérés, mais que Bah c'était non, vu qu'ils sont pas payés. c'est clair, et qu'en fait on gonflait, et que tu pourrais avoir un bouquin deux fois moins cher avec le même contenu si tu cédais un peu à tes exigences esthétiques. Et d'ailleurs, je crois que c'est un podcast sur de Cobal, Radio Rôliste, où il disait, mais les rôlistes veulent des bouquins avec des superbes illustrations, plein de pages et de qualité, un truc cartonné et pas cher. C'est juste pas possible. Ou alors, faut arrêter de se plaindre qu'on paye pas les auteurs parce que la demande, la clientèle, elle n'est pas du tout consciente de la réalité, quoi. Et je me suis dit, moi, en fait, ce que je veux, c'est le jeu. Et j'ai commencé à plus acheter de jeux avec des beaux bouquins. Et je me dis, en fait, je paye super cher pour rien. Et qu'avoir un petit bouquin en noir et blanc, j'avais le même contenu, ça ne me gênait pas. Et donc, je suis allé sur le côté pratique avant tout. Et le côté esthétique, finalement, je m'y suis fait. Je me dis, bah, je trouve que ça a quand même du cachet. Et quand j'ai ton bouquin d'influenza, c'est pareil. Suivant mes critères d'il y a 5 ans, j'aurais dit, mais c'est quoi cette merde, quoi? C'est vraiment le petit amateur qui fait son truc, ouais, c'est sympa, je l'encourage, quoi. Et maintenant, je commence à me dire, mais un, je trouve ça beau, et deux, je me dis, mais je m'en fous que ce soit cartonné pour payer 10 euros de plus, quoi. Quand tu fais les options de Lulu, tu pleures quand tu cliques les options et tu vois vraiment où est le prix, quoi. Par rapport au livre artisanal, aussi, il y a un critique, il y a une personne qui avait écrit une critique sur le Grog et qui a précisé, mon exemplaire, je le prêterai jamais, je le revendrai jamais. Oui, voilà. Et c'était à la fois à cause de la fragilité de l'objet, parce que c'est vrai qu'un livre artisanal, c'est quand même nettement plus fragile, C'est clair. qu'un livre industriel, quoi. Et puis aussi, je pense, avec le fait que c'était unique, quoi. Et du coup, j'ai envie de te dire, quand tu as ton objet devant toi artisanal, tu te dis, bon, c'est clair qu'il n'a pas la qualité que pourrait mettre un truc en édition. Et que l'éditeur, il peut faire un truc beaucoup plus beau. Il a accès à des imprimeries, à des techniques que moi j'ai pas. Ou alors, il va falloir que je fasse des démarches. Et puis, vu la quantité que je vais en vendre, ça va me coûter encore plus cher. Donc, c'est même pas la peine que j'essaye d'aller sur ces voies-là. Et ce que je reproche dans les jeux de plateau, c'est l'inverse. C'est que l'éditeur, il se fait pas trop chier. En tout cas pour certains, parce qu'il y en a quand même qui font des trucs super bien chiadés. et qui pondent leur truc pour essayer de gratter le prix, et que derrière, tu récupères le jeu, et toi, tu vas être obligé de le modifier. Alors, soit tu vas être obligé de plastifier les cartes, tu vas être obligé de faire des boîtes de rangement, parce qu'une fois que tu as détaché les cartes, ou que tu as détaché les jetons, c'est en vrac dans ta boîte, c'est de la grosse merde. C'est le bordel, ou faut que tu remettes des élastiques ou des trucs partout. Je trouve ça. Ouais, je pense à Descent, on avait mis le jeu de plateau Descent, on avait mis une après-midi à créer des petites enveloppes pour chaque type de jeton et tout, ça avait été un enfer. Ouais, voilà. Bah, moi j'ai acheté une boîte de rangement d'outils où tu mets toutes les vis et tout ça, et tout est rangé là-dedans. Là, je vais citer deux exemples. Il y a Seven Wonders, j'ai acheté la dernière extension, Babylon. Une fois que tu as déballé le jeu, tout est rangé, tout à sa place pour ranger le jeu. J'ai acheté Wakfu, le jeu d'aventure. La boîte est conçue pour la vente. C'est-à-dire que tout a la forme de tes planches où tu vas détacher les jetons. Une fois que tu as détaché les jetons, tu ne peux plus refermer la boîte. C'est pas le bon format, ça tient plus. Donc bah, j'ai jeté le plastique, j'ai jeté la merde et j'ai fait mon propre boîtier de rangement parce que sinon ça tient pas. Il y a Dominion qui est sorti, ça commence à dater Dominion. Dominion, c'est un jeu de cartes de deck building et ils ont sorti un plastique moulé où tu peux ranger toutes les cartes. Pathfinder a aussi le même principe. Tout est rangé et prévoit déjà plusieurs extensions. Je me suis dit, depuis qu'on a inventé ça, je comprends pas qu'on puisse revenir en arrière, ne pas évoluer et ressortir des boîtes de merde pleines de vide où tu peux rien ranger. Là, ça me dépasse maintenant. Et je n'accepte pas qu'un éditeur vende un truc où toi, derrière, t'es obligé de refaire de l'artisanal pour finir le produit. Tu vois, c'est l'inverse, en fait... de la démarche qu'on peut avoir tous les deux sur le jeu de rôle. Où, là, en jeu de plateau, le truc le mieux, c'est l'artisanal, c'est pas l'éditeur. Je trouve ça inadmissible. Après, tout dépend. C'est vrai que dans le jeu de plateau, t'as la polémique aussi de ce que le matériel doit être en plastique ou est-ce qu'il doit être en bois. Et il y en a qui essaient de démarcher des menuisiers. Et soi-disant qu'en plus, si tu fais, en fait, finalement, ça revient moins cher, ça revient pas plus cher et pas plus difficile de faire ton matériel par un menuisier plutôt que de faire des moulages en plastique qui viennent de Chine. Et j'ai eu une expérience aussi aux Utopiales. Et malheureusement, j'ai oublié le nom du jeu. Je le regrette fort. Si un auditeur s'en rappelle, je serais heureux qu'il nous le dise en commentaire. Il y avait des jeunes aux Utopiales qui présentaient un jeu de plateau qu'ils avaient fait. C'était une sorte de jeu de plateau où on avait des aventuriers dans un monde fantasy, quoi, et qui vivaient des aventures. Donc, le plateau, en l'occurrence, c'était une carte qui a été dessinée à la main. Il y avait des petites fiches de personnages. Tout était dessiné à la main. C'était un proto, hein, tout simplement. Les jetons ont été faits en carton à la main, quoi. Et en fait, ça m'a donné une telle bouffée de nostalgie quand j'ai vu ce jeu, quoi. Moi, je l'aurais dit aux auteurs, je sais pas ce qu'ils vont penser faire, mais si vous pouvez, si ça peut avoir le même rendu, les mêmes, le plateau, c'est une espèce de gros plateau, bien épais aussi, parce que c'est du proto, quoi, en fait. C'était, il y avait des pièces, c'était des pièces en carton, mais tu sais, du carton. Pas du beau carton, on voit bien que c'est, tu sais, tu vois les rainures du carton, c'est l'aspect artisanal du jeu, ça donnait vraiment un cachet monstrueux au jeu, quoi. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient acheteur pour ça, quoi. Tandis que si tu refais le jeu de façon plus classique, avec tout en carton souple, avec des illustrations, on va dire plus également plus classiques, qui fassent pas amateur, quoi. C'est-à-dire que des illustrations en couleur pleine, faites par des méga pros, eh ben, je pense que le jeu perdrait beaucoup de son attrait. Un an, je passe. Oui, non, Laurie, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur, sur tout ça? non. Bah, du coup, on va peut-être passer à Alice. Alice, en fait, si j'ai bien compris, tu t'es un peu, t'es un peu parti de rien quand tu t'es, entre guillemets, remise à la couture. Et donc, tu voulais nous parler de l'apprentissage. Ouais. Alors, je suis pas exactement partie de rien parce que j'avais quand même quelques souvenirs de mon apprentissage de quand j'étais petite où ma mère m'avait montré comment broder, etc. Et puis j'ai beaucoup vu ma mère coudre, donc je suis pas exactement partie de rien. Et pour bah, ma première réalisation en couture, j'ai tout simplement demandé à ma mère de me montrer les techniques de base. Après, j'ai fait mon chemin un peu toute seule, un peu en regardant sur Internet. Et depuis quelques mois, eh ben, je prends des cours de couture de temps en temps avec une costumière professionnelle pour avoir plus de bagages techniques. Et en fait, pour l'apprendre, ça c'est pour la couture. Pour la broderie, j'ai majoritairement appris avec des livres. Et sur l'apprentissage de l'artisanat, on voit fleurir depuis un certain temps maintenant beaucoup de livres sur la couture, la broderie, le crochet, le travail du cuir, enfin, un peu tout. Il suffit d'aller dans une librairie, d'aller dans Loisirs créatifs et on voit un rayon avec plein de livres sur plein de sujets différents. Généralement, c'est marqué loisirs créatifs en haut de l'étagère. Et c'est en complément, il y a sur Internet des blogs, re des blogs, avec des tutos, des tutos, des tutos et re des tutos. Alors, c'est génial, franchement, parce que du coup, ça permet d'essayer des choses, de se lancer, surtout quand les tutoriels sont et les livres sont de très bonne qualité, ça permet d'avancer tout seul en maîtrisant juste les gestes de base, mais c'est à double tranchant. Le fait qu'on ait toute cette connaissance technique disponible sans passer par un professeur, c'est très bien pour se lancer, pour satisfaire une curiosité technique, etc. Mais ça fait qu'on apprend lentement et on peut prendre de très très mauvaises habitudes parce que on n'a pas un professeur à côté de nous pour nous corriger. Parce que l'artisanat, c'est aussi des bons gestes à avoir. Et alors, là, après, j'ai pas de. Enfin, moi, je jongle un peu entre les deux, entre apprentissage avec un professeur et expérimentation personnelle de mon côté. Mais le fait que, par exemple, il y ait des livres disponibles, ça donne un. C'est un petit peu. C'est peut-être un peu trompeur en se disant, ah ben, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous montrer. Et ça, je pense que c'est pas tout à fait juste. Du coup, voilà, pour l'apprentissage de l'artisanat, c'est un peu à double tranchant. On peut apprendre tout seul, mais au bout d'un moment, il faut quand même avoir quelqu'un qui sait faire à côté de nous. Ne serait-ce que des fois pour oser, si tu permets, je vais citer un tout Oui. petit exemple personnel. Il y a un lecteur qui m'a commandé un jeu de cartes. J'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle Niafreux. Et puis, donc j'imprime les cartes et tout. Puis je me dis, ouais, c'est cool, mais comment je vais packager ça? Je sais pas du tout. Il faut que j'envoie ça par la poste. Comment je vais présenter le truc? Et en fait, ma femme qui fait de la couture, justement, me dit, bah écoute, t'as qu'à faire une sacoche, quoi. Je dis, ouais, t'es gentil, mais je sais pas du tout, du tout coudre. Et en fait, elle m'a, bon, elle aurait pu le faire elle-même, hein, la sacoche, parce qu'on avait déjà fait. Mais elle a fait mieux, en fait. Elle m'a montré comment faire. Et donc, elle m'a fait faire fabriquer ma propre sacoche. Et bah, le fait qu'elle ait été là, elle avait déjà tout le matériel et puis entre guillemets le savoir-faire, bah ça m'a permis de me lancer, de faire le truc. Moi bon, après, je sais pas si je vais poursuivre l'expérience, mais je me dis pourquoi pas au fur et à mesure introduire avec sa supervision, introduire un petit peu plus de couture dans ce que je fais, quoi. Oui, puis ça, moi j'ai une expérience bah, de l'autre côté, où en fait j'avais une amie qui galérait, qui avait une machine à coudre, en plus une belle machine à coudre, hein, je l'ai vue, c'est vraiment de la belle bécane. Et en fait elle galérait avec parce que le mode d'emploi était assez mal fait. Du coup, je suis allée chez elle et on a pris une après-midi, je lui ai montré juste vraiment la base, comment se servir de sa machine à coudre. On a fait un sac ensemble, je lui ai montré un peu comment faire. Alors après, bah, ça a été l'occasion de lui montrer que la couture, c'est pas que la machine. Finalement, on passe énormément de temps à couper, tracer sur le tissu, enfin, ce genre de choses qu'en fait, on n'y penserait pas au départ, mais finalement, ça fait partie du travail. Et en plus, bon, vraiment, quand je suis partie, on a passé donc toute une après-midi. Quand je suis partie, elle était, elle, c'est bon, elle maîtrisait les bases de sa machine et elle pouvait se lancer. Et ça, voilà, faut quand même avoir à côté de soi des personnes qui sachent faire. Alors pas forcément en allant prendre des cours payants, parce que les cours payants, bah, ça peut coûter cher. Voire très cher, hein. Moi je me suis renseignée par exemple sur des cours pour apprendre une technique particulière de broderie qui s'appelle la technique au crochet Lunéville. Ou alors là, quand je vois les brodeuses faire, je me dis bon, ça je n'apprendrai jamais toute seule. Et en fait, les cours pour apprendre justement sont chers, sont vraiment chers. Donc pour l'instant, ben, je me lance pas là-dedans, mais peut-être qu'un jour, je m'offrirai ce genre de cours. Mais voilà, pour l'apprentissage, il faut vraiment faire attention à pas rester trop tout seul dans son coin. Il vaut mieux quand même demander à quelqu'un qui sait faire pour ensuite, se lancer tout seul. Voilà ce que j'avais à dire. Ouais, Oui. pour réagir là-dessus, j'ai un petit contrepoint par contre à opposer entre guillemets. Oui. C'est bah, moi, tu sais que je m'intéresse beaucoup à l'art outsider et justement les outsiders, c'est souvent des gens qui font de l'art ou de l'artisanat d'art sans formation quoi. Et ça permet aussi des fois de s'extraire des modèles dominants et de produire des choses qui sont complètement originales. Je vais essayer de retrouver, je mettrai en lien. Il y a notamment justement une personne qui fait de la comment qui fait de la broderie et de la couture de façon outsider quoi. Bon, c'est des choses complètement dingues. Hein. Par exemple, il y avait une tenue où il y avait tout un poème qui était écrit en fait, enfin qui était cousu sur la tenue quoi. Mais bon, surtout ce que je veux dire au sujet de l'outsider, parce que bon, généralement les artistes outsiders, c'est quand même des gens qui sont pas très bien dans leur peau et s'ils sont en coupure avec le En coupure avec la culture dominante, c'est pas forcément par choix. C'est plutôt parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Mais ce que je veux, la leçon principale que je retiens de l'art outsider et de l'artisanat d'art outsider, c'est que c'est pas parce qu'on part de rien qu'il faut pas essayer en fait. Quitte à faire n'importe quoi, mais le plus important, c'est quand même d'essayer, de tenter des choses. Et on n'est pas forcément obligé d'attendre d'apprendre pour faire. Même si je suis tout à fait d'accord que faire un aller-retour entre la pratique et l'apprentissage est important. Ce que je veux dire, par contre, c'est que l'apprentissage n'est pas forcément l'étape zéro nécessaire. On peut commencer, à mon sens, on peut commencer par la pratique, de même que quelque part, moi j'ai fait du livre artisanal, je connaissais rien, quoi, à part la reliure japonaise que j'ai, tu vois, j'ai trouvé une page de blog par hasard sur internet, je suis parti de ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord que c'est pas parce qu'on sait pas faire que qu'il faut pas se lancer. Même c'est ce que j'arrête pas de dire, faut essayer. Après on voit. C'est juste qu'après quand à force de pratique, parfois on peut acquérir de mauvaises habitudes en termes de gestes techniques. C'est surtout ça en fait. C'est surtout pour ça, par exemple, que j'ai pas commencé à me servir d'une machine à coudre toute seule. Là, je me sentais un petit peu plus en confiance avec quelqu'un à côté de moi pour me dire vraiment comment faire. Après, il y en a qui, bon, vous regardez un livre ou un mode d'emploi et qui vont tout de suite voir comment ça fonctionne, vont acquérir les bons gestes tout de suite. Tout dépend de l'individualité qui pratique aussi. Ou alors peut-être que je vais nuancer ce que j'ai dit en disant il faut pas que l'apprentissage soit une barrière, dans le sens où ça ne doit pas être un prétexte à ne pas faire, se dire je ne sais pas faire. Dans ces cas-là, il faut être prêt à faire le premier pas, à oser demander justement à une personne de nous montrer, ou à oser faire des recherches sur internet et tout. Il faut jamais que l'apprentissage soit une barrière, quoi. Par exemple, le fait que tu t'es pas redis-moi, c'est la broderie liégeoise? Non. En fait, c'est la broderie au crochet de Lunéville. Ah oui, la broderie, ouais, pour moi. C'est pas parce que t'as pas encore les finances pour faire cet apprentissage-là que tu fais quand même de la broderie par ailleurs, quoi. Oui. Mais en fait, là, je fais de la broderie où je sais que là, pour le coup, la technique sera pas un problème. Ouais. Parce que, en fait, je fais de la broderie à l'aiguille. Je fais tout à la main et j'en suis et en fait bon j'ai quand même pas mal de facilité, mais pour cette technique-là en particulier, donc la broderie de Lunéville, il faut utiliser l'outil qui est le crochet, et ça et cet outil-là je le connais pas du tout. J'ai vu plein de livres sur justement le crochet de ça, mais celui-là, pour le coup, cet outil-là, je le sens pas. Donc, je continue à faire de la broderie à l'aiguille et on verra plus tard. L'autre intérêt de l'apprentissage, c'est d'avoir des bonnes surprises. Je vois par exemple, j'avais discuté avec une personne qui faisait du vitrail d'art, du vitrail, et en fait. Elle avait l'impression, au bout d'un moment, elle avait l'impression de stagner dans son métier, donc elle s'est dit bon bah je reprends une formation, quoi. Et en fait, elle a découvert des techniques, mais aussi des matières qui lui étaient complètement inconnues, et elle a eu l'impression de faire un véritable saut technique et artistique dans sa pratique, quoi. Donc c'est vrai aussi que faut pas oublier que surtout l'apprentissage justement avec une personne, avec un professeur, c'est aussi aller vers l'inconnu, puis justement se faire présenter des techniques ou des matières qu'on n'aurait jamais eu l'idée d'utiliser soi-même, quoi. L'important oui. étant après, j'imagine, de s'approprier toujours les techniques et de rester sincère et personnel dans ce qu'on fait, quoi. Oui, tout à fait. En plus, justement, avoir quelqu'un qui comme ça est à côté de nous pour nous ouvrir des portes, ça fait qu'on a accès à un savoir dont on n'a même pas idée, parce que justement, comme on ne le connaît pas, bon, on tâtonne dans notre coin, on peut le découvrir par hasard sur un blog, mais avoir quelqu'un à côté qui nous montre que c'est possible, ça c'est après ça ouvre plein de portes. De même que certains outsiders réinventent par hasard des techniques auxquelles ils n'avaient pas accès. Je prends l'exemple du facteur cheval. Quand il a fabriqué son pelle idéal, il a quasiment inventé le béton armé, quoi. Ou réinventé. Donc, en fait, il a fait de l'architecture en n'ayant aucune notion d'architecture, et il en est arrivé à inventer ou réinventer des techniques qui étaient quasiment révolutionnaires, quoi. Je voudrais ajouter un truc. Oui, bien sûr, Loïc. La différence en fait entre le tutoriel et le fait d'avoir un professeur à côté, c'est que dans le processus d'apprentissage, il y a un élément qui est très important, c'est l'erreur. Ouais. Quand tu dis, il va pouvoir me montrer des nouvelles choses, les nouvelles choses, tu peux les trouver effectivement sur beaucoup de blogs, beaucoup de bouquins. La différence, c'est que si c'est à un niveau technique trop élevé par rapport à toi, tu vas tout de suite être en échec et tu vas pas pouvoir surmonter l'échec. Il y a des personnes qui, elles, vont arriver à surmonter l'échec parce qu'elles vont y passer beaucoup de temps et puis elles vont finir par trouver, ce qui n'est pas toujours une évidence pour tout le monde. Mais l'important d'avoir le professeur, c'est que si tu es en échec, il va pouvoir te reguider. Je ne sais pas si vous êtes déjà tapé des tutos de jeux vidéo ou de n'importe quoi. Bah, tant que c'est facile, ça va. Et puis si il te dit de faire un truc et que tu ne sais pas où cliquer, bah, tu es bloqué. Tu es bloqué et c'est foutu. Le tutoriel, c'est très bien tant que ça marche. Le tutoriel, il est là pour aider l'apprenant à suivre la démarche. Il va essayer d'y aller étape par étape et de surmonter toutes les difficultés. Mais s'il en oublie une, ou si toi, ben, vraiment, tu te mets une difficulté parce que voilà, il te manque vraiment un truc et que tu ne peux pas la surmonter, tu es bloqué. Alors que le professeur, lui, il est là pour te dire, ben, tu es bloqué. Voilà pourquoi tu te trompes en fait. Et dans les tutoriels, il n'y a pas d'apprentissage par l'erreur, il n'y a que de l'apprentissage par la réussite. Tant que tu réussis, ça va. Si tu te plantes, c'est foutu. Tu t'es bloqué dans le processus. Et c'est pareil pour les bouquins. Moi, j'ai essayé de faire de l'origami ou des montages en Kaplan, mais j'ai aucune base. Et j'ai même des a priori totalement stupides qui me mettent en échec. Et il a fallu que quelqu'un me dise, non mais là t'es complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que mes idées de départ, elles sont même pas envisagées dans les tutoriels de base, quoi. En fait, déjà pour les Kaplan, ça me semblait tellement hallucinant que ça tienne que pour moi il fallait de la colle. Déjà, pour mettre le niveau, quoi. Et il a fallu déjà qu'on me dise, non, il faut pas de colle, quoi. Pas de clou, c'est censé tenir tout seul. Et j'ai essayé de faire de l'origami et c'est pareil, il y a des pliages de base qui sont censés être acquis par n'importe quel couillon qui fait de l'origami. Et j'ai pas réussi à trouver les tutoriels de base de chez base. Et dès que tu vois un truc, ils te disent bon bah on fait le pliage qui porte tel nom et on se retrouve là. Ouais, bah, moi ça y est, je suis largué, quoi. Donc je peux pas passer les tutoriels parce que je fais des erreurs et qu'il n'y a personne qui peut. Voilà, d'où l'importance d'aller trouver dans le monde associatif ou chez les amis des gens qui au moins vont te donner les techniques de base pour après que tu puisses être autonome, quoi. Parce que c'est obligé que tu en fasses des erreurs. Et c'est comme ça que tu apprends. Et sauf que soit tu arrives à surmonter ton erreur en disant, bah oui, là je me rends compte que ça merde et je vais chercher plein plein de trucs et je vais finir par trouver. Soit bah, ça passe pas et parce que la solution, tu peux pas l'envisager, il te manque un truc et il te faut nécessairement une personne. Ouais. Ben là, pour l'apprentissage justement par l'erreur, enfin, je suis tombée plusieurs fois sur des tutoriels soit il manquait une étape, c'était mal expliqué. Ça arrive aussi. Soit c'était mal expliqué, soit c'était incompréhensible. Et dans ce cas, alors là, je pouvais me servir de ma propre expérience pour corriger le tir, mais dans ce cas, je laissais le tutoriel de côté et je faisais à ma sauce. Mais de toute façon, l'apprentissage par l'erreur, enfin, on va faire des erreurs de toute façon dans l'apprentissage. Je suis la première à le dire, notamment à mes petits élèves qui ont tellement peur de se tromper. Donc voilà, c'est aussi ça le contact avec le professeur. Il va dire bon, on s'est trompé, maintenant on rectifie le tir, on rectifie tout de suite et comme ça on s'embourbe pas dans quelque chose de décourageant et de très frustrant surtout. Je pense à une chose, en plus en artisanat d'art, on s'ajoute une difficulté supplémentaire ou un défi supplémentaire qui fait peut-être que justement c'est intéressant, c'est que en même temps qu'on apprend une technique, on se contente souvent, on est aussi on crée en même temps quoi, on crée des choses nouvelles. Et donc c'est souvent à doser. Est-ce qu'on commence d'abord par faire des faire une par je sais pas en couture. Est-ce qu'on je suppose qu'on commence d'abord par faire uniquement des patrons qu'on a trouvés. À quel moment on s'émancipe pour aussi du coup faire ses propres créations et tout. Il y a ce rapport entre la reproduction qui est souvent l'apprentissage. Au départ ça passe par la reproduction et la création quoi. Et des fois, il arrive qu'on commence directement par la création, ce qui met un défi supplémentaire, quoi. Un intérêt et un défi supplémentaire, quoi. Oui, alors là pour mes créations à moi, donc je réalise que des choses à partir de patrons déjà existants parce que j'ai pas appris à faire mes propres patrons. Mais alors là le truc c'est qu'à chaque fois que je vois un modèle tout fait, je m'arrange toujours pour le Les personnaliser. Alice, alors je crois qu'on a perdu Alice. Ah mince, bah. Ça n'affiche pas micro coupé, mais effectivement, c'est. Ouais, alors Alice, si tu nous entends, ce que je t'invite à faire, si effectivement on t'entend plus, ce que je t'invite à faire, c'est te déconnecter du Hangout et je vais te réinviter, peut-être que ça débloquera la situation. Si tu permets, on va poursuivre, en espérant que Attends, tu puisses Thomas. revenir parmi nous. Est-ce que simplement, déjà sur le chat, s'il y a une explication toute simple, elle peut nous l'écrire? Ouais. On va Aussi. continuer à faire le podcast et puis je gère avec Alice, en chat. Ok. Je peux rebondir sur ça? Oui, bien sûr, on t'écoute, Laurie. Donc sur enfin, je pense qu'Alice elle cautionnera, mais comme elle n'est pas là, c'est facile. En fait, ça reste quand même très difficile. Elle disait qu'elle avait des élèves, mais ça reste très difficile de donner un document, une sorte de tutoriel infaillible. C'est un métier, ça prend énormément de temps et il faut en faire plusieurs pour se rendre compte, ben voilà, telle erreur peut arriver, tel blocage peut arriver, et modifier ce tutoriel. Et j'ai l'impression, enfin je pense qu'on a tous tapé une notice de montage d'un meuble et on galérait parce que le truc il était mal branlé, quoi. Et je parle pas que de la notice, je parle aussi du meuble à la fin, finalement. Mais en fait, quand on écrit un bouquin de jeu de rôle, il y a d'une façon, on a aussi ce côté tutoriel qu'on doit arriver à transmettre. C'est comment est-ce qu'on utilise les règles? Les comprendre, c'est une chose, mais les utiliser et j'ai l'impression qu'il y a certaines habitudes dans les bouquins où on balance un peu les règles comme ça et on ne dit pas trop comment s'en servir ou pourquoi ces règles-là y sont. Et la raison pour laquelle j'ai stoppé mon entraînement snowboardien, c'était parce que je n'arrivais pas à trouver un moyen efficace pour arriver à utiliser le système de Dogs, qui est quand même un système assez complexe, mais qui permet de faire pas mal de choses. Oui, j'avais envisagé des tutos en PowerPoint, j'envisage une vidéo, parce qu'il y a ce côté-là. Et j'ai entendu d'autres auteurs dire bah, mon jeu il fonctionne bien, mais j'arrive pas à le faire jouer à d'autres sans moi, parce que le côté transmission, c'est compliqué, c'est du boulot. Ouais. Tu partages ça soit en tant que Oui, surtout lecteur, que nous-mêmes on apprend, hein. C'est toi comme moi, on est des auteurs un peu débutants, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que au sujet du jeu de rôle, c'est Brand dans ses réponses à Coralie David. Bon, c'est pas public, enfin, mais on peut lui demander, hein, si on fait une demande par mail, on peut accéder à ses réponses, hein, qui sont très intéressantes. Il se définit lui-même comme un artisan. ouais. Plus qu'artisan, moi je trouve que l'auteur est un côté enseignant. Et c'est vrai que c'est facile de réutiliser des techniques de JDR tradi ou des systèmes existants parce qu'on n'a pas à s'emmerder à les enseigner et on n'a pas, en tant que joueur, à s'emmerder à en apprendre des nouvelles. On utilise des trucs, bon, on s'est fait chier la première fois à les apprendre et. Certains, c'est un effort, parce qu'il y a des systèmes qui étaient quand même bien complexes. Et une fois qu'on a fait cet effort-là, c'est pratique de réutiliser des systèmes, très proches, quoi. Ok, du coup, je pense qu'on va passer sur ma partie, surtout que Vas-y. le temps passe. Alice, hein, si tu nous entends, Ouais, c'est bon. Ah, super. On t'entend aussi. Du coup, est-ce que t'as peut-être quelque chose à ajouter sur l'apprentissage avant qu'on passe à la suite? Non, là c'est bon, j'ai dit Ouais, ce que t'as j'avais à déjà dire. bien progressé. Ok, donc moi, ce que je voulais parler, c'était du do it yourself. Alors le do it yourself, c'est un mouvement qui est apparu. Je pense que c'est assez bon, ça part de certaines pratiques des années 50-60, mais grosso modo c'est assez consanguin de la période punk en fait, hein, 77. Et le mouvement do it yourself, il vient, d'après ce que j'en connais au départ, il vient des fanzines. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des. Tout simplement, à l'époque du punk, il y avait assez peu de. Il y avait tout simplement assez peu de presse qui parlait des groupes punk. Hein, Et puis comme c'était dans l'esprit punk justement de faire les choses soi-même, de faire les choses sans forcément savoir bien les faire et de pas attendre de trouver un producteur ou un financier pour se lancer, ça s'est assez rapidement de la musique, ça s'est assez rapidement répandu vers la presse et notamment aux États-Unis où il y a pas mal de gens en fait qui ont fait leur propre fanzine. Pour critiquer des groupes de punk, parler des concerts, puis parler de leur vie en général. Ce qui était assez flagrant, bon, souvent c'était fait avec du matériel, enfin c'était fait dans des garages avec du matériel de presse, j'imagine pour le moins artisanal. Et tout ce qui était mis en page, c'était à base de collage. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit le mouvement fanzine Do It Yourself, par exemple, c'est quelque chose qui ignore complètement le droit d'auteur. C'est-à-dire que les mecs, ils récupèrent des photos, voire même des articles dans d'autres magazines, et puis ils les collent pour enrichir leur propre magazine. Tout ça tapé à la machine, souvent de façon assez illisible. Je crois même qu'il y avait un. Il y avait un fanzine qui était assez renommé par le fait que il y avait des lettres qui se tapaient mal en fait. Je ne sais plus si c'était la lettre N ou P qui était toujours systématiquement mal tapée. Et en fait, après, ça s'est poursuivi notamment avec le mouvement des Riot Girls, qui est un mouvement féministe des années 80-90, où là le thème du fanzine glisse de la chronique punk vers tout un tas d'autres sujets, hein, autour de la vie féminine, autour de la musique, mais pas que, quoi. Et après, c'est un mouvement qui a essaimé à tous les sujets. Il y a eu aussi ce qu'on appelle la mouvance du hardzine, où en fait on retrouve les caractéristiques du fanzine, sauf qu'il y a en plus une démarche artistique. Alors moi je considère que les premiers fanzines font de l'art d'une façon involontaire, quoi. C'est-à-dire le fait de fonctionner avec des collages, de tout taper à la machine, de respecter aucune règle de typo, de droit d'auteur, ni même de bienséance tout court. Et après, aujourd'hui, le do-it-yourself, c'est un mouvement qui n'est pas du tout limité ni à la musique ni à la presse. Enfin, remarque, c'est la musique, ça s'est amplifié parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les home studios. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui, avec un investissement en logiciel qui est assez minime, peut enregistrer des albums soi-même. Il y a notamment où il y a des productions un peu do it yourself comme le producteur californien Not Fun qui produit en fait tous les exemplaires de CD, de cassettes ou de vinyles qu'ils font sont uniques avec des couvertures uniques bricolées et tout. L'intérêt que je vois dans le mouvement, donc après ça s'est étendu à tout un tas de choses, hein, très clairement, parce que bon, maintenant aujourd'hui, on a des maisons en do it yourself, on a tout un tas d'objets en do it yourself. Bon, on peut, de toute façon, on peut dans l'idée, c'est quelque chose qui est aussi révolutionné par l'impression 3D aujourd'hui. L'idée, elle part du principe qu'on peut faire tout soi-même. Et pourquoi alors pourquoi faire les choses soi-même? Ça, c'est justement la question derrière le mouvement do it yourself. Je suppose qu'il y a plusieurs réponses. La première réponse, elle est souvent financière, quoi. C'est-à-dire les personnes qui font une maison eux-mêmes, c'est souvent que tout simplement ils n'ont pas les finances pour acheter une maison toute faite, hein, pour la faire faire par des artisans. L'autre raison, elle est culturelle, c'est tout simplement dans le sens où on va créer des choses qu'on ne trouve pas par ailleurs, qui ne paraissent ne pas exister. Par exemple, les fanzines punk, ils sont apparus aussi parce que il n'y avait pas de presse spécialisée dans le punk. Ouais, ça n'existait juste pas, quoi. Donc, si on voulait parler de la musique punk, il fallait tout simplement être soi-même, devenir soi-même organe de presse, quoi. Je pense qu'il y a aussi une raison identitaire, hein, qui est de cesser de, entre guillemets, de consommer des choses qui nous sont imposées d'en haut, quoi, des modèles culturels qui nous sont imposés, et pour produire sa propre culture, quitte à des fois à ce qu'elle paraisse de moins bonne qualité, qu'elle soit plus artisanale, bricolée et tout. Je veux dire, c'est certain qu'on peut faire un film avec un téléphone portable aujourd'hui. Après, c'est également certain qu'il n'aura jamais la qualité technique, le casting, le budget d'un film de Hollywood. Mais en même temps, du coup, il sera très différent. Il aura sa propre unicité, sa propre originalité, sa propre identité. Et je pense que ce qu'il y a derrière le mouvement Do It Yourself, c'est cette insolence que j'aime bien. C'est le fait de dire que la culture appartient à tout le monde. C'est-à-dire, elle appartient pas à une élite d'artistes. Tout le monde peut écrire ses propres livres, hein. Je veux dire, il y a 70, je crois que 70% des Français qui ont déjà écrit un manuscrit. Voilà, tout le monde peut fabriquer ses propres habits. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une démarche d'émancipation complète dans le do it yourself. Il y a aussi, je pense, des raisons pour moi qui sont environnementales. C'est-à-dire que faire du do-it-yourself, c'est aussi revenir vers quelque chose de local, quelque chose de décroissant. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter un habit en Chine, le faire soi-même, des fois on le fait. Alors après, c'est compliqué parce que tu fais ton habit, mais avec des matériaux qui viennent de Chine. Est-ce que t'es pas aussi toujours dans. Est-ce que tu t'es pas tout à fait dans une démarche locale, quoi? Mais il y a, en fait, avec la révolution industrielle, le fait que les gens ont dû se spécialiser et tout, on a perdu cette idée qu'on pouvait être maître de notre environnement, de ce qu'il y a, des objets qu'il y a autour de nous, de la culture qu'il y a autour de nous. Et le do it yourself, c'est ça, c'est vraiment une démarche d'empowerment, quoi, dont on reprend le pouvoir sur nos vies, sur les choses qui nous entourent, quoi. Je pense notamment, j'ai pas beaucoup de références, mais on peut citer notamment la Grotte du Barbu, hein, qui est un site internet avec plein de tutoriels pour. Ah, c'est plutôt, ça va de la forge à la fabrication d'objets, à la menuiserie, justement, do it yourself. Donc là, si tu permets, si on rejoint ce qu'a dit Alice, c'est effectivement oser faire les choses tout seul, mais on sait qu'on met en place des choses pour vous accompagner, ou aidons-nous les uns les autres pour y arriver tout seul, quoi. Il faut partager l'expérience, quoi. Je pense que effectivement, c'est pas parce qu'on repersonnalise notre culture que ça signifie pas forcément l'isolement. Au contraire, je pense que le mouvement du do it yourself, c'est vraiment un mouvement de partage, dans le sens où assez rapidement, on devient aussi soi-même producteur de tutoriels, de vidéos, et très rapidement, avec quand on vient faire les choses soi-même, vient aussi l'envie d'enseigner, enfin de transmettre son savoir, et de façon plus libre. En fait, je pense que les cultures du libre et les cultures do it yourself, elles sont assez imbriquées. Bon bah déjà, comment je prends l'exemple de Linux, c'est un petit peu quelque part, c'est du do it yourself appliqué à l'informatique, hein. Et il y a cette notion aussi de dire que, bah justement, entre guillemets, si on devait faire une philosophie du yourself, il y a l'idée que les connaissances, elles doivent pas être enfermées, réservées à une élite ou soumises à des conditions, bah, monétaires, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas être obligé d'acheter tout un tas de matériel ou de se payer des formations très chères pour faire les choses soi-même, si justement on trouve sur Internet les connaissances qui sont nécessaires. Alors on est d'accord que ça remplace pas forcément une vraie personne, mais je pense qu'il y a aussi des rencontres physiques, personnelles à faire autour d'autres artisans do it yourself, échanger des pratiques, des méthodes. Même, je pense que c'est souvent, on est invité à discuter avec nos amis, souvent de ce qu'on est en train de faire. Le simple fait d'en parler, ça permet aussi de débloquer des trucs et astuces. Et je pense qu'il y a un vrai, y a un vrai, c'était au départ, c'est un mouvement des années 80, mais je pense qu'il y a un vrai revival du do it yourself, peut-être à cause de la crise, justement, au fait que les objets manufacturés finalement deviennent moins accessibles qu'ils ne l'étaient par un temps, quoi, avec peut-être une baisse du niveau de vie pour certains, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai renouveau du do it yourself, mais je pense que c'est pas uniquement économique, quoi. C'est avant tout une philosophie. Et effectivement, c'est une philosophie de création, mais aussi une philosophie de partage, quoi. Partage des connaissances et partage aussi des propriétés intellectuelles. Il suffit de regarder un petit peu, enfin, je fais la comparaison, mais avec les ateliers imaginaires, il suffit de voir le nombre de retours d'expérience que les différents auteurs qui se disent indépendants ont eu. Ils sont indépendants, mais ils font partie d'une communauté indépendante. Donc, il y a des retours d'expérience, il y a des partages d'expérience, il y a des recherches d'autres personnes pour les aider. Enfin, c'est indépendant vis-à-vis des éditeurs, mais ça n'a plus rien d'indépendant dans le sens, effectivement, c'est pas de l'isolement, quoi. Non, d'ailleurs, je trouve que par exemple le forum des ateliers imaginaires, je trouve qu'il y a quand même vraiment un gros échange autour de la création et qu'on trouve pas forcément, enfin qui est assez. Je dis pas que les auteurs et les auteurs édités partagent pas, mais je trouve que c'est un peu plus fermé, un peu moins accessible ou un peu plus cosmétique dans le sens où on voit sur Casus Snow, il y a pas mal d'échanges autour de la création. Mais j'ai l'impression que souvent, c'est les mecs qui vont venir poser des questions sur un périphérique du jeu, tandis que dans les ateliers imaginaires, on a moins peur de carrément parler du cœur du jeu, quoi. Voilà, donc je pense que de toute façon, il y aura un podcast sur le libre, sur la gratuité, sur le droit d'auteur. Je pense que j'en ferai un parce que c'est important. 11h30. Ouais, et je pense qu'il est temps de passer à la liste au Père Noël. D'accord. Alice, est-ce que tu es d'accord pour commencer? Alors, donc, liste au Père Noël, je parle de que j'avais envie de parler, mais que j'ai pas eu le temps de dire, c'est ça? Oui, voilà, ouais, en gros. Ok. Alors, là, je vais encore partir de mon point de vue d'amateur. Je vais parler un peu de la motivation. On a une occasion de voir que bon, on crée parce que on peut se lancer dans le do it yourself, dans les formes d'artisanat parce que on peut du coup faire des choses qu'on ne trouvera pas dans le commerce. On pourra faire des choses qui nous sont vraiment personnelles et adaptées. Et il y a aussi une autre motivation qui peut aller avec. Alors ça, c'est ma propre expérience. C'est le fait de créer pour les, c'est de créer pour quelqu'un en particulier. C'est l'exemple. Je repense à ce que tu as dit tout à l'heure, Thomas, sur le livre que tu as complètement personnalisé en le traînant un peu dans la boue pour quelqu'un. Mais moi, ça rejoint aussi le fait que moi, pour la plupart du temps, quand je veux faire un cadeau, je pense d'abord qu'est-ce que je peux lui faire avant qu'est-ce que je peux lui acheter. Bon, ça fait que généralement les cadeaux sont pas toujours à l'heure, mais ça c'est un autre sujet. Quand je réalise un vêtement ou un accessoire pour quelqu'un, je le fais vraiment en l'adaptant à sa personnalité, à ce qui peut lui faire plaisir. Ça peut aussi être en lien, bon, avec la relation que j'ai avec la personne. Par exemple, le coup des guêtres, je reviens tout à l'heure, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça fait 3 années consécutives que j'offre une paire de guêtres maison à la même personne. C'est devenu un private joke. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'en même temps, je satisfais une curiosité technique et je vois jusqu'où je peux aller, dans mes réalisations. Et je sais que ça fera très très plaisir à la personne. Voilà. Donc la question de créer pour les autres. Dans le do it yourself, etc. C'est vraiment l'idée de matérialiser aussi les liens qu'on a avec certaines personnes. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses dans ta liste au Père Noël? Très très rapidement, j'en ai un, c'est l'idée de vendre ou pas ses créations. Enfin, ses créations ou ses réalisations. Dans la couture, une fois qu'on maîtrise des techniques de base, on peut réaliser pas mal de choses simples. Et très très vite, quand même, en tout cas pour moi, la question s'est posée de est-ce que je vends mes créations ou pas? Est-ce que je fais une petite boutique en ligne ou ce genre de choses? Et je vois fleurir ce genre de petite boutique, création maison, création fait main, tout ça, tout ça. Et comment dire? Là, j'aurais peut-être une remarque, c'est que ça permet à des gens de se lancer alors que à la base on n'aurait pas eu l'idée. Et je trouve ça génial. Mais à côté de ça, le fait qu'on ait à disposition les mêmes produits mais fabriqué bon bah de façon industrielle, ça fait que bah, entre l'artisanat et l'industriel, les prix sont pas du tout les mêmes. Et parfois, les gens ne comprennent pas en fait pourquoi le prix est si élevé. Et du coup, l'artisan est parfois obligé d'expliquer pourquoi il vend à ce prix-là qui est effectivement plus élevé que le produit industriel. Donc là, avec l'extension du do-it-yourself et de ces petites boutiques, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience que l'artisanat, c'est autre chose que la production industrielle, que ça prend du temps, que c'est vraiment une personne qui fait ça de A à Z. Donc voilà, bon, moi j'espère que on verra plus, enfin on verra de moins en moins, par exemple, les artisans qui sur leur page Facebook poussent de temps en temps des petits coups de gueule sur le fait que ben, on trouve que leurs créations sont trop chères. Voilà. Je sais que Vas-y. ouais, Oui. c'était une question que je m'étais posée hein, quand j'ai commencé à vendre du livre artisanal. Et personnellement, je l'avais résolu en proposant du prix libre. Et je trouve pas que les. Bon, sur ma petite expérience, à mon petit niveau, je trouve que les gens sont. Je trouve pas que je sois floué par les gens. Ça me permet quand même, des fois, de vendre des livres artisanaux à des gens qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'il y en a certains quand même que j'ai vendus à des prix où clairement je rémunérais pas mon travail du tout. Mais je savais que c'était des gens qui n'avaient pas les moyens, mais qui allaient néanmoins faire jouer le jeu, s'y intéresser, le faire vivre. Et je sais que à côté, j'ai quand même très souvent des gens qui sont tout à fait généreux sur le prix et qui me permettent quand même de rémunérer mon travail grâce à ce prix libre. Sur un livre, on a quand même globalement une idée de combien coûte un livre. Je sais que si moi je devais acheter la robe de mariée à prix libre, si je me plante de plusieurs centaines d'euros, ça peut piquer quoi à l'arrivée. Bah après, c'est une façon différente de prendre des risques. C'est en fixant un prix, tu prends un risque aussi, hein. Tu peux comment? Tu peux aussi des fois fixer des prix trop bas. C'est quand même le problème, je pense, de beaucoup d'artisans aussi, c'est que en fait, ils ne rentrent pas dans leurs frais ou ils ne rémunèrent pas leur activité parce qu'ils n'osent pas mettre des prix assez élevés. Ou au contraire, tu peux mettre des prix qui font que tu passes des décaps psychologiques et que ça ne vend pas, quoi. Et c'est une expérience. Le libre, c'est une expérience. Je suis pas en train de vouloir convaincre tout le monde de faire la même chose. Je sais que c'est la question de fixer le prix est très très épineuse, très difficile. Moi, je sais que ça me permet de la résoudre à mon niveau. Et pour revenir sur sur le prix, nous, les tenues de mariée qu'on a achetées, elles ont coûté beaucoup moins cher que si on les avait achetées dans le commerce, en fait. En fait, on a fait tout notre mariage un peu sur ce principe-là. On n'a pas fait faire. Moi, mon mariage, il a coûté moins de 10 000 francs à l'époque. Tout compris. Ouais, parce que ce que tu payes pas en savoir-faire et en matériel, tu le payes quand tu achètes de l'industriel, tu payes des intermédiaires, quoi. Oui, c'est Tu payes du surtout les transport, tu intermédiaires. payes des grossistes, tu payes des intermédiaires, et ce qui fait que des fois, effectivement, c'est pas plus. Enfin, ça dépend des produits, mais effectivement, ouais, ça peut être entre guillemets rentable de faire appel à un artisan et au niveau de la qualité, je pense que ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, je dis, vous êtes marié avec des costumes faits main, je pense que c'est beaucoup plus fort comme expérience qu'un costume. Voilà, bon, mon costume, j'ai acheté chez Tati, quoi, donc Oui, non, en c'est pas plus, pareil, quoi. Hein, c'est des créations qui n'existaient pas parce qu'on habite à Troyes et on a refait les tenues des comtes de champagne de l'époque, quoi, en utilisant illustrations sur tapisserie ou peinture. Ouais, donc. Quand on s'est marié, quand on est passé devant l'adjoint au maire, il était extrêmement surpris et il a dit bah, si on avait su, on aurait fait venir la presse, le maire il serait venu. Enfin, pour eux, c'était. Ouais. Nous, voilà, on voulait un petit truc. On s'est fait notre mariage tranquille, quoi, mais. S'ils avaient su, pour eux, c'était un événement, en fait, déjà par les costumes, quoi. Et après, le fait qu'effectivement, on ait tout financé, enfin, seul, quoi. C'était. Alors, il nous reste un gros quart d'heure, et on va peut-être enchaîner, à moins que Alice, tu avais quelque chose à ajouter? Non. Laurie. Alors, moi, ce sera assez rapide. Je vais revenir sur l'expérience que j'avais eue avec la publication de Dungeon World en français. Ils ont choisi de passer par un crowdfunding. Ils ont fait une boîte jeu. Ça avait suscité beaucoup de polémiques sur Cassius. Il y a des avantages et des inconvénients. Très rapidement, l'inconvénient, c'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire bah, il y a un peu de matos dedans, et ça permet de gonfler les prix. Et, est-ce que c'est une excuse ou pas ? Moi, je vais plutôt voir le côté positif, c'est que ça cassait cette frontière de jeu de rôle. En le vendant dans une boîte, il ne vendait pas comme livre, mais comme jeu. Donc, c'était pas la même TVA. Alors, ça a peut-être changé depuis, et puis j'y connais rien, mais je sais que. Non, je pense que c'est toujours pareil. Donc, du coup, t'es sur une TVA à 19,6 si tu vends une boîte. Donc, la TVA était plus petite que si c'était un livre. Ah là, je suis étonné par contre. Et il y avait ça. Tu n'es pas soumis à la loi du prix fixe du livre. Donc je pensais à ça parce qu'il y avait, je ne sais plus qui en avait parlé de ce problème-là sur la cellule. Parce que s'il voulait vendre en boutique ou s'il vendait par lui-même, il ne pouvait pas modifier le prix. Et puis ça permettait de rajouter des trucs. Donc oui, moi je suis assez pour casser les barrières plateau et les jeux et bouquins. Si on regarde la boîte de descente, puisque tu en as parlé, l'extension campagne, il y a un bouquin qui est pratiquement aussi gros qu'un bouquin de jeu de rôle. Il y a du matos et ça n'est qu'une extension. C'est-à-dire qu'en plus, il faut le bouquin de base. Mais c'est une boîte de jeu. Je vois pas trop la différence avec la boîte de Dungeon World qui, lui, est considéré comme un jeu de rôle. Je pense aussi au livre dont vous êtes le héros. Ça se trouve où un livre dont vous êtes le héros ? Ça se trouve dans une bibliothèque. Ça se trouve pas dans une ludothèque. Ça me fait mal. Parce que c'est un livre-jeu. Ouais. Et une clé USB, aujourd'hui, ça coûte rien. Vous avez des entreprises qui filent des clés USB en produits comme on mettait des pins ou des porte-clés. Une clé USB avec très peu de mémoire dessus, ça coûte rien du tout. Qu'est-ce que ça coûte dans une boîte jeu de rôle de mettre une clé USB avec des tutoriels, avec des vidéos, avec des images ? Moi, je suis vraiment pour casser ça. Donc, c'était une bonne expérience. Tout n'est pas bon dans la boîte de jeu, je le reconnais, de Dungeon World, mais j'ai vraiment encouragé ça. Il y aura d'autres boîtes de jeux, j'imagine, qui sortiront, ou des goodies qui n'auront aucun intérêt, qui serviront juste à gonfler les prix. Mais si ça aide à casser les barrières, à casser les habitudes, j'encourage. Ouais, du coup, je vais nuancer ce que je dis tout à l'heure hein, par rapport. J'avais le sentiment que les financements participatifs, ils amenaient les éditeurs à concevoir des jeux qui nécessitaient forcément du matériel pour pouvoir justement vendre du matériel. Quand je dis matériel, c'est aussi vendre des suppléments. Pourquoi on fait absolument des suppléments ? Je déplore pas que ça existe. Je pense qu'au contraire, tous mes médias s'épanouit dans la diversité. Il n'y a aucun problème que ça existe. C'est une très bonne chose que ça existe. Ce que je déplore, c'est que ce soit une tendance lourde. Dans le sens où en fait on standardiserait un média uniquement vers ça, mais de même qu'on standardise le cinéma vers des films hollywoodiens, choses comme ça. Il faut pas que des nécessités économiques ou des calculs de marketing font que l'ensemble d'un média soit orienté dans une seule direction. Et c'est aussi ce que permet le do-it-yourself, c'est de réinventer une diversité, réinventer des façons de faire. Moi, je vois par exemple, je pense que Inforenza a Cappella, qui est un jeu de rôle sans matériel, je vais très certainement enregistrer les règles sous format podcast ou les laisser libres, et ça fera un jeu totalement non monétaire, non monétaire et sans matériel, quoi. Les gens pourront l'avoir gratuitement et ils pourront y jouer n'importe où. C'est des expériences à faire, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais. Alors moi, si vous voulez bien, je vais dire en vrac ce que j'avais noté. Il y a pas mal de choses, donc ça va être une espèce de monologue vite fait. Je pense que dans l'artisanat, il y a toujours un rapport avec l'art. Là, on parlait d'artisanat d'art, mais en fait, dans artisanat, il y a le terme art est implanté, quoi. Surtout que bon, je pense que quand on réfléchit sur l'art, généralement, on a tendance à penser que l'art, c'est quelque chose qui est par essence pas inutile, mais qui n'est pas conçu de façon utilitaire. Et ça, c'est une définition qui peut être assez facilement battue en brèche, quoi. Par exemple, on parle des voitures comme étant de l'art en mouvement. Il y a toujours ce rapport ambigu entre l'artisanat et l'art, et je crois que les deux disciplines trouvent leur noblesse quand elles se rencontrent. Et on pense par exemple à les Compagnons de France. À la fin de leur formation, ils doivent accomplir ce qu'on appelle le grand œuvre, quoi. Et si t'es chaudronnier et que ton boulot après ça va être de faire des cuves, en fait, quand même, quand tu vas faire ton grand œuvre, tu es obligé d'y inclure une dimension artistique. Il y a effectivement ce rapport à l'apprentissage qui fait, à mon avis, entièrement partie de la puissance de la créativité, quoi. Être dans l'apprentissage constant, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter en tant que créatif. Et justement, on va retrouver ça dans les valeurs de l'artisanat. C'est ça que l'artisanat, pour moi, c'est l'école de la créativité par excellence. Et qui dit apprentissage dit transmission. Le do-it-yourself, par exemple, donne vraiment ce goût de transmettre, qui pour moi donne vraiment un plus humain à la chose, quoi. Et on entre dans une ère de partage, et clairement la créativité, pour moi, elle s'épanouit pas uniquement par le faire, mais aussi par le transmettre. Voilà, donc sinon j'ai expliqué que souvent le fait d'être indépendant, c'est surtout un vecteur de liberté créatrice. La liberté créatrice, c'est la liberté de choisir ses contraintes, en fait. On n'est jamais totalement libre, parce que déjà on a des contraintes internes qui fait qu'on a les compétences qu'on a, le matériel qu'on a, les ressources qu'on a, et puis il y a tout un tas de contraintes externes, quoi. L'absence de liberté, le fait de travailler complètement sur commande, évidemment, va réduire la créativité. Après, évidemment, c'est vrai que la Joconde ou les travaux de Michel-Ange, c'était des commandes à Chapelle Sixtine. Mais je pense que c'est ça, en fait. La vraie liberté créatrice, c'est la liberté de choisir ses contraintes. Si on est bien dans les contraintes qu'on a, ça peut le faire. À partir du moment où il y a une contrainte qui n'est pas délibérément choisi, qui est vraiment imposé et qu'on ne sait pas jouer avec, la créativité s'étouffe. C'est pour ça que je pense que l'indépendance est vraiment un gros moteur de créativité. Il y a ses limites si au bout d'un moment, l'indépendance en fait en elle-même est une contrainte qui vous bride. Hein. Donc il faut jamais Il faut jamais que l'indépendance ce soit une décision idéologique irrévocable. Je crois pas que ce soit une bonne chose. Notamment parce que si tu veux collaborer avec une personne qui n'est pas indépendante, c'est ce que tu refuses. Comment fais-tu, quoi? Je sais. Après, ça, c'est des débats idéologiques importants. Hein. Moi, je me pose souvent la question, est-ce que je vais toujours faire des trucs indépendants? Est-ce que je vais me refuser toute collaboration avec un éditeur? Je pense qu'il faut écouter ses tripes à ce niveau, en fait. Il faut écouter son cœur, et souvent, c'est là qu'on va avoir la bonne réponse. Je pense aussi que l'indépendance, le do-it-yourself, c'est une clé vers la professionnelle. Dans le sens où on chante les intermédiaires et du coup, ça permet de trouver un revenu. Voilà, si on n'a qu'une personne à faire bosser, c'est quand même plus facile. Tandis que si on travaille uniquement en collaboration, bah voilà, c'est un gâteau qui est partagé, c'est une complexité supplémentaire. Moi, voilà, je vois que dans le jeu de rôle, je sais que je peux me lancer en indépendant parce que parce que je peux, en tant qu'indépendant, je peux me dégager une bonne marge, surtout avec les livres artisanaux, parce que je peux développer des systèmes inédits comme l'appel aux dons. Et je sais clairement que je peux pas être auteur de jeux de rôle professionnel si je suis si je travaille avec des éditeurs, parce que tout simplement les éditeurs n'auront pas les moyens de me payer pour que je me sorte quelques centaines d'euros par mois en bénéfice, quoi. C'est aujourd'hui possible dans le jeu plateau pour quelques rares élus, dans le jeu de rôle c'est quasiment impossible, quoi. Et dans la littérature c'est pareil, quasiment impossible, hein, puisqu'on est dans les économies de travail d'équipe, les économies industrielles, c'est des économies pyramidales qui n'arrivent à rémunérer que, entre guillemets, les plus méritants ou les plus malins, quoi. Et moi, je veux que la créativité, elle puisse payer tout le monde. Voilà, sinon j'ai parlé de créer sa propre culture, c'est important. Moi, je veux qu'il y ait des Balkans culturels, quoi, qu'il y ait une culture par personne. C'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est aller vraiment vers une abondance totale, une exubérance créative, avec ce que ça peut comporter de naïveté, même de copie, hein. Mais je pense que forcément, ce sera plus le notre culture sera plus riche s'il y a plus d'individus qui la produisent. C'est mathématique. Sinon, bah, je l'ai déjà dit, hein, sur le do-it-yourself, l'artisanat, c'est vraiment, en fait, c'est pour moi, c'est l'art d'engrammer des émotions dans un objet, quoi. Et c'est quelque chose de très humain. Et même un minimaliste tel que moi, qui, par exemple, j'achète plus aucun objet culturel depuis plusieurs années maintenant. J'y suis quand même nettement sensible. L'autre chose, c'est le rapport direct avec le public, je trouve qui est unique, hein, clairement, entre un artisan et le fait d'avoir une conversation avec la personne pour qui on produit un objet ou une œuvre, c'est vraiment quelque chose qui enrichit l'expérience créative. Après, je sais bien qu'il y a des créatifs qui veulent pas voir entrer en contact avec leur public. Je peux le comprendre et les respecter, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est un vrai gain d'expérience. Ce rapport avec le public, et puis alors surtout quand on peut personnaliser la pièce unique, on est Justement, en... Oui? ça me fait penser à la discussion qu'il y avait eu Romaric avec, je crois, Fabien. Fabien passait par Lulu et Romaric disait, bah, en passant par l'éditeur de l'imprimeur du coin de la rue, je peux dédicacer chaque livre, en fait. Le livre, comme il passe par moi, Ouais. je peux le dédicacer, même si c'est pas lui qui imprime. Alors, rien que le fait de garder une page blanche au départ pour mettre un petit mot à chacun de ses acheteurs, c'est important, en fait. Bah ouais, de toute façon, quand tu lis un livre que t'as déjà que dont tu connais l'auteur, que tu l'as déjà au moins rencontré une fois. Une lecture qui est un rapport qui est différent, quoi, en tant que lecteur, il y a une émotion qui est différente, quoi. Ça n'a pas de prix, ça. Alors je dis pas qu'il faut pas lire des auteurs qu'on n'aura jamais l'occasion de rencontrer en vrai, parce qu'ils habitent trop loin ou tout simplement parce qu'ils sont morts. Mais bon, c'est quelque chose quand même que je recherche. Moi, je sais que j'ai Maintenant, pour acheter un livre, il faut vraiment que je connaisse la personne qui l'a écrit, quoi. Sinon, je vais l'emprunter en médiathèque ou je me le ferai offrir, quoi, mais je l'achèterai pas moi-même, quoi. même que c'est intéressant d'offrir des livres, d'offrir des objets d'occasion, quoi, des choses qu'on a déjà nous-mêmes utilisées, respirées, qui portent une part de nous-mêmes, quoi. Moi personnellement, j'essaye d'offrir des choses soit que j'ai fabriquées, soit qui sont d'occasion, quoi, à chaque fois que je peux, quoi. L'autre chose, c'est vraiment, je trouve que ça nous amène à penser la créativité de façon globale, à pratiquer ce que j'appelle une sorte d'art total. Par exemple, l'architecte Gaudi qui a fait la Sagrada Familia, c'était quelqu'un qui connaissait très bien les artisans, quoi. Et il était architecte, mais il a aussi designé des meubles. Quand il créait un lieu, il designait absolument tout, de la ferronnerie des grilles aux fenêtres, aux meubles. Et il y a cette pensée. Et puis même, je trouve que ça amène à penser les choses de façon globale. On est artisan comme on est vivant, quoi. Ça fait partie du métier d'homme, en fait, ou de femme, hein. Donc voilà, bon, sinon j'avais parlé du partage, hein, c'est important, du recyclage aussi. Je trouve que c'est pouvoir donner une deuxième vie aux objets, c'est vraiment, moi je suis fasciné par ceux qui font des choses en matériaux recyclés, que ce soit du fer rouillé, des objets en plastique récupérés, des Kinder, des bouts. Moi j'essaie de, à mon petit niveau, j'essaie de tous les bouts de papier, de carton qui sont vaguement utilisables, qui traînent, les enveloppes, je les mets des rubans, je les mets de côté en me disant que ça servira un jour, et ça permet aussi de s'approcher un peu plus du zéro déchet, quoi, d'être moins dans cette culture du neuf, cette culture du déchet, et essayer de donner une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième vie, aux choses qui nous entourent, quoi. Voilà ton côté breton où il y a pas mal de balades en forêt où il y a de l'art avec la nature là, avec les branches, les pierres, les feuilles, on voit des trucs magnifiques qui sont faits pas très loin de chez toi. Bah, je pense qu'il faut, comme dit Romaric, il faut réenchanter, son environnement, l'endroit où on vit, et c'est à nous d'être acteurs de ce réenchantement, quoi. Il faut pas attendre que ça vienne d'ailleurs, quoi. Ah, puis la Bretagne est très inspirante pour ça. Oui, mais je pense que l'inspiration, tu peux la trouver partout, quoi. C'est aussi un Oui. regard qu'il faut éduquer, quoi. Faut éduquer Ah, son ça, c'est vrai. regard pour trouver la beauté, la simplicité, pour trouver les émotions dans ce qui nous entoure, quoi. Après, c'est mon côté chauvin qui parle, c'est pour ça. Et une dernière chose aussi, toujours c'est une voie vers l'émancipation, et je pense aussi que c'est une voie pour pouvoir vivre avec moins d'argent ou sans l'argent, quoi. Et c'est aussi une façon de nous libérer, quoi, le fait d'être indépendant, financièrement. Et l'indépendance financière, elle se fait soit parce que on dépense, soit parce qu'on gagne beaucoup d'argent, soit parce qu'on dépense peu, soit parce qu'on fait les choses nous-mêmes, quoi. Alors je dis pas que l'autonomie totale, l'autarcie totale, c'est un chemin qui est extrêmement long, et je prétends pas qu'il soit souhaitable. Pas pour tout le monde, mais aller vers plus d'autonomie, c'est aussi aller vers plus de liberté, quoi. Parce que le fait d'être dépendant de l'argent, et d'être dépendant des biens de consommation et de ce qu'on peut trouver dans les magasins pour vivre, eh ben ça fait qu'on perd de la liberté, ça fait qu'on est obligé de faire des métiers qui sont pas nos passions, juste pour avoir un revenu et tout. Et moi je sais que ma démarche d'auteur à temps plein, là, parce que je le serai à partir du 1er juin, elle va aussi aller vers plus d'autarcie. Je vais essayer de faire plus de choses par moi-même que je n'en fais aujourd'hui, pour aussi avoir besoin de moins d'argent. Et qui dit que j'ai besoin de moins d'argent, ça veut dire que je suis plus libre de faire aussi les créations que je veux, quoi. Et à la limite, je suis prêt à passer plus de temps à faire des bricolés, à faire des choses par moi-même, quitte à ce que, après, le temps que je passe à être créatif, ce soit de la créativité libre, sans l'angoisse de me dire est-ce que ce que je fais va réussir à me rapporter de l'argent. Et on dit souvent des créatifs que quelque part les meilleurs créatifs, c'est ceux qui arrivent à vivre d'autres choses et qui Bah, les meilleurs artistes, on va dire, parce que créatif, c'est trop englobant pour dire, on finit toujours par vivre de sa créativité. Mais les meilleurs artistes, c'est peut-être ceux qui, en fait, vivent d'autre chose que de leur art. Voilà, c'était mon chat qui s'exprimait, hein, je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, on va conclure. Je vais pas tarder à être parti. Ouais. Eh bien, Alice et Laurie, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce podcast qui, je l'espère, était placé sous le signe de la passion. Je vous remercie d'avoir apporté vos expériences. Si jamais vous avez des choses à rajouter, vous pourrez toujours les dire en commentaire ou réagir aux commentaires des autres. Je vais mettre aussi vos références. Je vous remercie tous. Je remercie les auditeurs et je vous dis à tous à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.